Théâtre radiophonique. Radio Nederland vous invite à écouter une fantaisie policière de Pierre Olivier, dialoguée par Jean-Louis Baril, Le Grand-Duc, adaptation et réalisation de Jean de Give avec la collaboration technique de Jean Ruche. Eh bien, je suis pas fâché d'arriver à la fin de cette semaine. J'ai l'impression de ne pas avoir eu une seconde à moi. Oh là là, conférences, expositions, visiteurs étrangers. Ah, et puis bien sûr les clients. Ah, ceux-là. Voyez-vous, Posma, après 40 ans de vie dans les affaires et le commerce, je crois que le secret de la réussite est très simple. La patience. Oui, de la patience. Avoir de la patience, tout est là. Savoir attendre, ne rien brusquer, savoir patienter. Évidemment, il faut des nerfs solides, quoi qu'on finisse par s'habituer à tout. Enfin, bon, le bilan de cette semaine n'est pas mauvais du tout. Nous avons vendu 4 diamants à cet industriel anglais. Et cela justifie tous nos efforts. Chiffre d'affaires de la semaine, 6 200 000 francs. C'est pas mal. Et le jour où nous vendrons ce diamant unique, ce sera la fortune définitive. Seulement, voilà. J'ai pas encore trouvé. Dans le monde entier, j'ai pas trouvé la personne, le client qui pourra s'offrir ce diamant royal. 350 millions. Non, regardez, Posma. Non, regardez cette pièce. Cette pureté, cette limpidité, cet éclat. Ce blanc-bleu magique. Oui, magique, c'est le mot. Non, approchez, Posma, regardez. Non, mais regardez ce diamant. Ah, c'est une joie infinie. Bon, eh bien maintenant, il est temps de replacer cette pièce dans le coffre. Ah, c'est presque dommage de penser que ce diamant étincelant sera enfermé dans un coffre pendant 3 jours. Voyez-vous, Posma, si un jour ce diamant est acheté, si nous devons le vendre, je me demande si je serais tellement heureux. Je l'ai baptisé le Grand-Duc. Oui, je trouve que ça lui va très bien, le Grand-Duc. Eh bien, maintenant, et jusqu'à lundi matin, nous allons mettre le Grand-Duc dans son château fort. Ah, ce coffre-fort n'est pas digne de mon Grand-Duc. Mais il le protège tellement bien. Bon, si un malheureux voleur tentait de vouloir s'emparer de mon diamant, le pauvre, il serait pris comme un rat. Il suffirait de vouloir ouvrir ce coffre pour déclencher immédiatement un signal d'alarme et bloquer toutes les issues. Ouais, l'imprudent qui oserait toucher à ce coffre-fort dans l'espoir de s'emparer du diamant serait automatiquement pris la main dans le sac. Heureusement d'ailleurs. Autrement, je crois que je ne dormirais plus. Allez. Je mets le diamant dans le coffre. Je referme le coffre. Voilà. Et maintenant, je vais aller profiter d'un bon repos. Je passerai mon week-end à La Haye. La plage de Scavenging est à côté. J'en profiterai pour passer mon dimanche au bord de la mer. Allez, mon cher Posma, je vous retrouverai lundi matin vers 10h. Non, Posma, ne répondez pas. C'est trop tard. Il est... Oui, 18h30. Nous sommes vendredi, ne soyons pas esclaves de la clientèle. Oh, laissez sonner ce téléphone. Et si c'est important, on nous rappellera lundi matin. Monsieur Hirschman est l'un des plus importants diamantaires d'Amsterdam. On dit souvent que la ville d'Amsterdam est non seulement la capitale des Pays-Bas, mais qu'elle est aussi la capitale du diamant. Et c'est vrai. Monsieur Hirschman, diamantaire, possède un des plus gros diamants du monde. Ce diamant a été baptisé le Grand-Duc. Avant de partir en week-end, Monsieur Hirschman a enfermé le diamant dans un imposant coffre-fort. Et maintenant, nous allons retrouver Monsieur Hirschman, accompagné de son épouse, à La Haye, où le couple passe quelques heures de vacances. C'est vrai que tu n'as pas très bonne mine. Je suis atrocement fatigué. La semaine n'a pas été très drôle. Alors, monsieur Hirschman, vous avez fait votre choix ? C'est difficile. Vous proposez tellement de bonnes choses. Il est vrai que vous avez une carte somptueuse. Je vous remercie. Nous faisons de notre mieux pour satisfaire la clientèle. Mais vous y réussissez parfaitement. Et que nous recommandez-vous ? Oui, que conseillez-vous ? Eh bien, notre grande spécialité, le suprême de sol amiral. Suprême de sol amiral. C'est tentant. Oui, vous ne serez certainement pas déçu. Je vous fais confiance. Alors, suprême de sol amiral, deux. Non, pas pour moi. Je ne prendrai pas de poisson, j'ai horreur de ça. Tous les goûts sont dans la nature. Alors voyons autre chose. Une viande parfumée. Une viande parfumée ? Oui, ce sont des grillades de viande, des morceaux de viande qui ont été imprégnés d'alcool. Ah oui, je crois que ça devrait me plaire. Vous avez des grillades au chéri, au cognac. Au chéri. Une grillade au chéri, l'idée me séduit. Ma foi, c'est probablement très agréable. Jusqu'à présent, nous n'avons eu que des compliments. Je vous crois sur parole. Alors, un suprême de sol amiral et une grillade parfumée au chéri. C'est ça. Et pour la viande à point, saignante ? Saignante. Saignante. Et comme boisson ? Eh bien, je vais jeter un coup d'œil sur la carte des vins. C'est entendu. Monsieur et Madame Hirschman ont passé un week-end de détente à La Haye. Et ils sont rentrés à Amsterdam le lundi matin. Dès son retour, Monsieur Hirschman s'est rendu à son bureau où il a retrouvé son fondé de pouvoir et fidèle collaborateur, Monsieur Posma. Ah, oui, à quelle heure est-il ? 10h30. Posma doit être arrivé. Posma ? Oui, Monsieur Hirschman ? Je viens d'arriver, je vous attends dans mon bureau. J'arrive immédiatement, Monsieur Hirschman. Voyons, les clés. Où ai-je mis les clés ? Dieu que je suis bête, je les ai à la main. Je perds la tête, moi, c'est incroyable. Bonjour, Monsieur Hirschman. Ah, Posma, comment allez-vous ? Je suis content de vous revoir. Vous avez passé un bon week-end ? Oh, excellent, merveilleux. Je suis parfaitement reposé. Tant mieux. On a tort de ne pas vouloir s'arrêter de temps en temps. On a tort de ne pas se reposer plus souvent. C'est tellement agréable. Et puis, au fond, c'est très utile. Je me sens en forme. Et je suis certainement en excellente condition pour reprendre le travail. C'est exact. C'est très vrai ce que vous dites, Monsieur Hirschman. Il faut savoir se reposer. Vous avez besoin de vacances aussi, Monsieur Posma ? Ah non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, monsieur. Pas du tout. Mais si, vous devez vous reposer, comme tout le monde. Si vous le permettez, je vais m'offrir le luxe de cajoler quelques minutes, mon diamant. Nous allons faire sortir le grand-duc de son château fort. Ah, chaque matin, revoir ce diamant, c'est une joie, Posma. Une joie inestimable. Mais je me réjouis aussi, monsieur Hirschman. Ouais, ouvrons ce coffre-fort. Oh, je suis désolé, monsieur Hirschman. Ah, je vous en prie, c'est pas le moment. Excusez-moi, monsieur Hirschman. Inimaginable, c'est impossible. C'est impossible, impossible. Enfin, je ne suis pas fou. Le diamant était là, il est là, dans ce coffre. Enfin, voyons, Posma, dites quelque chose. Ce que vous voudrez, monsieur Hirschman. Non. Enfin, c'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai, Posma. Dites-moi ce que vous voyez. Eh bien, rien. Rien ? Il n'y a plus rien, monsieur. Le diamant a disparu. Disparu. Non, pas disparu. Volé. On a volé le grand-duc. 350 millions de francs. Voyons, Posma. Je ne suis pas fou. Vous étiez là vendredi soir lorsque j'ai mis le diamant dans le coffre. Oui, monsieur Hirschman. J'ai refermé le coffre. Vous l'avez vu ? Oui, monsieur. Je suis le seul à avoir les clés du coffre. Je suis le seul à connaître tous les secrets de ce coffre. On a volé le diamant et le coffre est parfaitement intact. Apparemment, on n'a même pas essayé d'ouvrir le coffre. C'est incroyable, c'est véritablement affolant. Il faut immédiatement prévenir l'assurance et la police, monsieur. Évidemment. Je suis curieux de connaître les réactions de l'assurance et de la police lorsque je leur raconterai que le diamant a été volé sans que le coffre ait été ouvert. Car au fond, c'est cela. Je suis le seul à posséder la clé du coffre. Aucune prise d'empreinte de la serrure n'est possible avec ce modèle de coffre. Personne ne connaît le chiffre. Il n'y a sur ce coffre aucune trace de chalumeau. Les serrures sont impeccables, aucune trace de détérioration. Alors, et le diamant a été volé sans qu'on ouvre le coffre. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Pour moi, jusqu'à présent, la seule explication. J'espère que la police trouvera une autre explication. Et pas seulement une explication, la solution, car il faut absolument que je récupère ce diamant. Vous n'avez pas de suggestion, Pasma? Ma foi, monsieur Hirschman, hélas, non. Enfin, personne n'est censé être revenu ici entre vendredi soir et aujourd'hui. C'est-à-dire que... C'est-à-dire? Enfin, oui, justement, je... Mais justement quoi? Eh bien, justement, entre vendredi et aujourd'hui... Oui. Eh bien, entre vendredi et ce matin... Mais quoi, entre vendredi et ce matin? Oui, entre vendredi soir et ce matin... Mais quoi? Je suis revenu. Vous? Vous êtes revenu, vous? Oui, monsieur. Alors, c'est donc vous qui avez osé? Ah non, non, non, non, non, non, monsieur Hirschman, vous vous trompez, je... Mais vous savez bien qu'il est parfaitement interdit de pénétrer dans mon bureau en mon absence. Mes ordres sont formels, Postma. Mais oui, oui, monsieur Hirschman, mais je ne pensais pas que... Mais vous ne pensiez pas, vous ne pensiez pas quoi? Mais jamais je n'ai pensé qu'il y aurait cet incident, monsieur. Un incident. On vole le grand-duc, un des plus grands diamants du monde, et pour monsieur Pasma, c'est un incident. Non, monsieur, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, monsieur Hirschman. Alors, quand on ne sait pas ce qu'on dit, on se tait. Mais je préférais vous dire la vérité, monsieur. Et pourquoi êtes-vous venu ici durant le week-end? Eh bien, c'est très simple, monsieur, c'est très simple. J'avais oublié mon stylo et je me suis permis de venir le chercher. Vous aviez oublié votre stylo? Oh, vous auriez pu trouver autre chose. Mais que voulez-vous dire, monsieur Hirschman? Rien. Rien, excusez-moi, parce que cette affaire me bouleverse au point que je ne sais plus très bien ce que je pense ni ce que je dis. Je vous assure, monsieur, que je ne suis pour rien dans cette affaire. Oui, oui. Je vous crois, Postma. Maintenant, il faut appeler la police. Prévenir l'assurance. Bien, monsieur. Aussitôt prévenue, la police entra en action. L'assurance, elle aussi, entreprit immédiatement son enquête. L'enquête s'engageait difficilement. Le vol du diamant, le grand-duc, semblait être un mystère. Et, en tout cas, posait une énigme apparemment insoluble. En possession de maigres informations, l'inspecteur Burma de la police judiciaire se mit au travail. Alors, inspecteur, vous voyez plus clair aujourd'hui? À vrai dire, jusqu'à présent, il faudrait être magicien pour arriver peut-être à comprendre quelque chose à cette mystérieuse affaire. Pour le moment, je nage dans la routine. Vérification des alibis, empreintes digitales. Et je le confesse, cela n'a rien donné. Vous avez interrogé M. Pasma? Évidemment. Et? Où il est très fort, mais alors là, vraiment très fort, où c'est ce que je crois, il n'y a aucune raison jusqu'à présent de soupçonner M. Pasma. Et les empreintes? Les vôtres. Oui, c'est normal. Absolument normal. Moi, j'imagine que le voleur du grand-duc a les moyens de se payer une paire de gants. Bien sûr. Le ou les voleurs. Vous croyez qu'ils étaient plusieurs? Simple hypothèse. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, mon cher monsieur, maintenant... Je vais tout simplement continuer mon métier. Continuer votre métier? Eh oui. Que voulez-vous que je fasse? Bah, vous m'excuserez, je dois me sauver, je suis attendu ce soir à La Haye. Vous allez à La Haye? Ah oui, j'ai affaire là-bas. En attendant, je vous conseille de reprendre contact avec l'assurance. Il faudrait quand même qu'ils accélèrent toutes les formalités. Vous n'ignorez pas que tant que l'enquête ne sera pas terminée, tant qu'on n'aura pas apporté une réponse claire à ce mystère, vous ne pourrez pas toucher l'argent de l'assurance. Mais ce n'est pas l'argent de l'assurance qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est retrouver mon diamant. C'est ça qui est important. Dites-moi, croyez-vous que ce diamant peut être facilement monnayé? Le vendre? Oui. Presque impossible. Ou alors, il faudrait le retailler, ce qui lui enlèverait beaucoup de valeur. Non, c'est un diamant qui est trop connu. La vente d'un tel diamant est un événement. Bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Je vous reverrai dans quelques jours, monsieur Hirschman. Je suis à votre disposition, monsieur l'inspecteur. À bientôt. L'enquête sur le vol du Grand-Duc, un des plus grands diamants du monde, était presque au point mort. Pourtant, l'inspecteur Borma avait une petite idée. Il se rendit à La Haye et alla dîner dans le restaurant où, 8 jours plus tôt, monsieur et madame Hirschman dînaient ensemble. Garçon? Oui, monsieur. Vous m'apporterez l'addition? Oui, monsieur. Oui. Allez dire à votre patron que j'ai besoin de bavarder avec vous quelques minutes. Avec moi? Oui, avec vous. Vous reviendrez vous asseoir et nous prendrons un verre ensemble. Vous êtes fort aimable, mais malheureusement c'est interdit. Je n'ai pas le droit de m'asseoir à la table d'un client. Je vous remercie une autre fois peut-être. Non, maintenant. Vous direz à votre patron que c'est l'inspecteur Borma qui vous le demande. Inspecteur? Inspecteur Borma, police judiciaire. La police? Pour moi? Mais j'ai rien fait. Voyons, je ne vous accuse de rien du tout, non. J'ai simplement besoin de votre témoignage. Mon témoignage à moi? Voilà. Mon Dieu. Mon Dieu, mais il y a eu un crime. Un crime? Décidément, vous avez beaucoup d'imagination. Qui vous parle de crime? Bon, allez. Voyez votre patron, avertissez-le et venez vous installer à ma table. Bon, puisque vous insistez, mais je vous préviens, moi je ne sais rien, mais alors rien, je ne sais rien du tout. Bon, allez, vite, s'il vous plaît, ne vous affolez pas, vous n'y êtes pour rien. Ah bon, j'aime mieux ça. Bon, enfin, vous auriez pu le dire tout de suite. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Dieu, que les gens sont nerveux. Toujours l'impression que tout le monde se sent coupable. C'est déprimant. Voilà. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce que vous prenez? Non, rien, merci. Comme vous voudrez. Alors voilà. Connaissez-vous monsieur Hirschman? Le diamantaire? Oui. Oui? Oui, je le connais, je l'ai encore vu la semaine dernière avec sa femme, enfin. Je veux dire avec madame Hirschman. La semaine dernière? Oui, la semaine dernière. Mais pourquoi? On l'a assassiné? Mais non. On l'a volé. Ah? Beaucoup? Suffisamment pour que la police s'intéresse de très près à cette affaire. Ah. Mais dites-moi, vous ne croyez quand même pas que je suis le voleur? Qui sait? Comment? Non, voyons, je plaisante. Non, je veux simplement savoir ce que monsieur et madame Hirschman sont venus faire ici. Ici, à l'hôtel? Eh bien... Ils ont habité ici? Oui, ils ont même fait chambre à part. Comment? Monsieur et madame Hirschman ont pris 2 chambres? Oui, remarquez, je le comprends. Qui? Eh bien, monsieur Hirschman. Comment ça, expliquez-vous? Je crois que si j'étais marié avec madame Hirschman, je prendrais 2 chambres, moi aussi. Oh, je vous en prie, monsieur. Je vous dispense de vos commentaires pour le moins douteux. Hein? Ils ont mangé au restaurant? Oui. Plusieurs fois? Mais ils ont pris tout leur repas ici, et le dimanche soir, ils ont même fait un petit dîner de gala. Tous les deux. Comme des amoureux. Des amoureux qui font chambre à part. C'est curieux. En tout cas, monsieur Hirschman, c'est un homme bien aimable. Il a renversé une bouteille de vin, et pour s'excuser, il m'a donné 1 000 francs. Il a renversé une bouteille de vin? Oui, un geste maladroit. Il est gaucher, je crois. Monsieur Hirschman est gaucher? Enfin, oui, je crois. Je ne suis pas certain. Mmh. Bon. C'est tout ce que vous avez remarqué de spécial? Ma foi, oui. Ils sont donc restés ici pendant tout le week-end? Enfin, ils sont sortis pendant la journée. Mais ils sont revenus aux heures des repas. Quant à moi, j'étais content de les voir arriver. Vous pensez, ce ne sont pas de petits clients. Ils mangent ce qu'il y a de plus cher sur la carte. Madame Hirschman a mangé 3 fois le suprême de sol amiral. Le suprême de sol amiral? Oh, c'est délicieux, sublime. Dommage que monsieur Hirschman n'aime pas le poisson. Mais heureusement pour ceux qui n'aiment pas le poisson, nous avons des grillades sensationnelles. Oui, je sais, je les connais. Oh, c'est vrai, je suis bête. Vous en avez mangé. C'était effectivement délicieux. Vous féliciterez le chef. Eh bien voilà, je vous remercie. C'est tout? Oui. Ah, c'est déjà fini. Moi qui croyais que vous alliez me raconter des histoires extraordinaires. Vous aimez les histoires extraordinaires? Oh, ma foi, oui, comme tout le monde. Désolé, garçon, mais je peux vous donner un conseil. Un conseil? Oui. Si vous aimez les histoires extraordinaires, oui. Du suspense, oh. De l'aventure, des exploits merveilleux, des crimes... Oh, oui, c'est ça que j'aime. Eh bien, c'est très simple, ne cherchez plus. Oui. Vous trouverez tout cela... Où? Dans un bon roman policier. Ah ben ça, je le savais. Croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué dans les romans que dans la vie. Ah, vous croyez? Mais naturellement, quand un écrivain commence un roman policier... Il en connaît déjà la fin, alors il ne reste plus qu'à raconter son histoire en brouillant toutes les pistes. Plus il compliquera le récit de son histoire, et plus il y aura de suspense, comme on dit. Non, croyez-moi, garçon, notre but à nous dans la police n'est pas de faire du suspense, mais de rechercher la vérité par les moyens les plus simples, les plus directs, les plus logiques. C'est peut-être moins passionnant, moins spectaculaire, mais c'est certainement plus efficace. Et vous avez trouvé ce que vous cherchiez? J'ai l'impression que je ne suis pas très loin du but. Ce que vous m'avez dit m'a beaucoup intéressé. Ce que je vous ai dit, moi? J'ai rien dit. Quelquefois, voyez-vous, c'est un détail stupide qui peut tout éclairer, ou en tout cas ouvrir une nouvelle voie. Ça, alors, c'est incroyable. Bon, allez, je vous paye mon addition et je me sauve. À votre service, monsieur l'inspecteur. L'inspecteur Borma vient de dire qu'il avait une idée. Il est sur le point de trouver. En rentrant à Amsterdam, l'inspecteur Borma s'est rendu au bureau central de la police judiciaire et il a passé 3 heures à consulter des fiches. Il avait l'air très préoccupé. Ensuite, l'inspecteur a reçu la visite de M. Posma, le collaborateur de M. Hirschmann. Et puis... il a décroché son téléphone pour appeler M. Hirschmann. Allô? Je voudrais parler à M. Hirschmann. Qui est à l'appareil? Inspecteur Borma. Ah, bonjour, inspecteur. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je crois que je tiens le coupable. Vous tenez le coupable? Et qui est-ce? Vous le saurez dans une heure. Dans une heure? Dans une heure, je serai chez vous. Et je vous téléphone pour vous prier de bien vouloir m'attendre dans votre bureau avec M. Posma et Mme Hirschmann. Ma femme? Oui, j'y tiens beaucoup. Bon, je lui téléphone immédiatement. Nous vous attendons avec impatience. Dans une heure, je serai chez vous. L'inspecteur Borma semble être très sûr de lui. Il tient le coupable, l'auteur du vol du Grand-Duc, un des plus gros diamants du monde. Et vous? Vous qui écoutez cette émission, avez-vous une idée? Avez-vous des dons de détective? Et avez-vous trouvé le coupable? Pendant une minute, nous allons vous laisser réfléchir. Vous donner l'occasion d'émettre une supposition. À votre avis, qui a volé le diamant appelé le Grand-Duc? Dans une minute, vous entendrez la suite de cette histoire. L'inspecteur Burma vient d'arriver chez M. Hirschmann, où il rencontrera également Mme Hirschmann et M. Posma. Entrez, entrez, monsieur l'inspecteur, nous avons hâte de connaître la suite de cette mystérieuse aventure. Rassurez-vous, ce ne sera pas long. Mes hommages, Mme Hirschmann. Bonjour, inspecteur. Bonjour, monsieur Posma. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bon, commençons par le commencement. Je vais vous demander à tous de bien vouloir écrire votre nom sur une feuille de papier. Écrire notre nom? Sur une feuille de papier. Moi aussi? Mais oui, madame, tout le monde. Bon, bon, bon. Eh bien, voilà. J'écris mon nom sur une feuille de papier. Voilà. Je vous remercie. Et moi, sur cette feuille? Vous pouvez écrire sur la même feuille, ça n'a pas d'importance. Vous m'intriguez. Voilà, inspecteur. Et maintenant, monsieur Posma. Voilà, inspecteur. Bien, je vous remercie. Maintenant, petite question à laquelle vous répondrez chacun à votre tour. Madame Hirschmann, quand vous allez dans un restaurant et qu'on vous offre du poisson, quel est le poisson que vous choisissez? Du poisson? Cela dépend. Ou si vous préférez, quel est votre poisson favori? Eh bien, du thon ou bien encore de la morue. Et vous, monsieur Hirschmann? Quoi, du poisson? Oui, votre poisson favori. Je sais pas, moi. Disons de la sole. Bien. Et maintenant, monsieur Posma. Moi, c'est très simple, je déteste le poisson et je n'en mange jamais. Bon. Je ne vois absolument pas où vous voulez en venir. Ne vous inquiétez pas, j'y arrive. Et ce coupable? Le coupable? Il est parmi vous. Parmi nous? Parmi nous? Mais que voulez-vous dire? Le coupable est parmi vous. Mais qui? Pourquoi posez-vous cette question, madame Hirschmann? Vous savez très bien qui est le coupable. Alors, vous avez trouvé? Qui est le coupable? Encore 30 secondes pour réfléchir. Dans 30 secondes, nous vous donnerons la clé de l'énigme. Et maintenant, voici la clé du mystère. Nous allons démasquer le coupable. Monsieur Hirschmann, vous vous êtes volé le célèbre diamant appelé le Grand-Duc. Moi? Inspecteur, c'est insensé. On ne se vole pas soi-même. C'est pourtant ce que vous avez fait. Je n'ai pas besoin de faire un dessin pour expliquer le mobile du vol. Vous espériez toucher l'indemnité de l'assurance et revendre ce diamant, le modifiant quelque peu. C'est inimaginable. Et pourtant, c'est vrai. Mais enfin, voyons, inspecteur. Mon mari n'a pas pu voler le diamant. Il est resté avec moi tout le week-end dernier. Justement. Venons-en à ce fameux week-end. Vous n'étiez pas à la haie avec votre femme, monsieur Hirschmann. Enfin, ça, c'est inouï. Enfin, tout le monde pourra témoigner, vous dire que je n'ai pas quitté la haie durant une seconde pendant tout le week-end. Or, c'est pendant ce week-end qu'on m'a volé le diamant. En venant ici, je vous ai demandé d'écrire votre nom sur une feuille de papier. Oui, et alors? C'est pour vous, monsieur Hirschmann, que j'ai demandé cette écriture. Pour moi? Je voulais savoir si vous étiez gaucher. Et vous ne l'êtes pas. Je ne vois pas le rapport. Celui qui était à la haie était gaucher. Mais celui qui était à la haie, c'était moi. Non! Celui qui était à la haie détestait le poisson. Et vous venez de me dire que votre poisson favori était la sole. À la haie, celui qui accompagnait Mme Hirschmann a refusé de prendre la spécialité du restaurant. Le suprême de sol amiral. Mais enfin, monsieur l'inspecteur! Taisez-vous, madame, vous parlerez lorsqu'on vous interrogera. Mais alors, qui était à la haie? Frédéric. Frédéric. Votre frère. Mon frère. Oui, votre frère jumeau. Oh, j'ai désolé de vous faire de la peine, monsieur l'inspecteur, mais vous nagez en plein roman. Mon frère Frédéric est mort en 1940, le premier jour de la guerre. Il a été tué dans le bombardement de Rotterdam. Non, il a disparu dans le premier bombardement de Rotterdam. Il a disparu, mais on va le retrouver. Il est actuellement en Hollande sous une fausse identité. Il a vécu en Angleterre, il a vécu en Indonésie, il a séjourné au Japon, et enfin, il est rentré en Hollande il y a 24 jours. Depuis, avouons-le, il n'a pas perdu de temps. Vous n'avez aucune preuve. Votre frère sera arrêté dans quelques heures, et nous aurons ainsi une preuve vivante. Inutile de nier, monsieur Hirschmann. Oh, je reconnais que tout cela était parfaitement monté. Votre frère vous ressemble comme une goutte d'eau ressemble à une autre goutte d'eau. Le garçon du restaurant à la haie n'a pas douté une seconde. Il a toujours cru que c'était vous qui étiez avec Madame Hirschmann. Et pendant que votre frère était à la haie avec votre femme, vous, monsieur Hirschmann, vous en avez profité pour faire disparaître le grand-duc. Seulement voilà, il y a eu des erreurs. Votre frère... Et gaucher, vous ne l'êtes pas. Votre frère déteste le poisson, vous pas. Et puis encore, votre frère n'a quand même pas voulu aller jusqu'à passer la nuit avec votre femme. Ils ont pris deux chambres. Allez, j'espère que vous êtes convaincus maintenant. Je vous arrête tous les deux, monsieur et madame Hirschmann. Vous allez nous raconter... Comment vous êtes devenus des voleurs volés? C'était Le Grand-Duc, une fantaisie policière de Pierre Olivier, dialogue de Jean-Louis Baril, adaptation de Jean de Give, une réalisation technique de Jean Ruche, avec les voix de Pierre Olivier, Francis Lax, Gilles Grossac, Michel Thureau, Dominique Saint-Pierre et Hélène Godard. Théâtre radiophonique, une production de Radio Nederland à Hilversum, Hollande.